Tu poses des temps pour la terre, des saisons pour respirer. Même le sol a droit au repos, devant ton regard posé. Tu rappelles à l'homme pressé que tout ne lui appartient pas, que la vie ne se possède pas, elle se reçoit pas à pas. Tu brises la course sans fin, tu redonnes le souffle aux mains, et dans le silence du repos, tu parles plus fort que nos efforts. C'est le jubilé de la liberté, les chaînes tombent, les dettes sont levées, les captifs rentrent à la maison, les cœurs retrouvent leur horizon. C'est le jubilé de la liberté, le temps du retour, le temps de la paix. Tu rends à chacun ce qui lui a été volé, et tu réécris notre destinée. Tu rappelles que nul n'est propriétaire de la vie que tu as donnée, que l'étranger, le pauvre, le faible ont place à ta table dressée. Tu veux un peuple qui se souvienne que tout vient de ta bonté, et qu'on ne garde pas pour soi ce que tu as fait pour partager. Tu dresses un autre système où la grâce l'emporte sur la dette, où l'homme apprend à vivre libre et non prisonnier de ses conquêtes. C'est le jubilé de la liberté, les chaînes tombent, les dettes sont levées, les captifs rentrent à la maison, les cœurs retrouvent leur horizon. C'est le jubilé de la liberté, le temps du retour, le temps de la paix. Tu rends à chacun ce qui lui a été volé, et tu réécris nos destinées. Ce temps de grâce, nous rentrons dans ton repos, et dans la lumière de ton visage, nous marchons libres à nouveau. Nous marchons libres.